Pour nos enfants ne soit pas une tombe, yo. Comme à la naissance du monde. On a percé le ciel à coups de bombe. Heureusement ou malheureusement, l'homme n'a plus peur que celui-ci tombe. Au-dessus de nos têtes flottent de drôles d'ombres. Les fondations vacillent, le confort nous appauvrirait. Par endroits, il y a bientôt plus de flotte. Mais t'inquiète pas, tout ça changera. L'océan pousse, les icebergs gigotent. Même si je me sens bien dans mon époque, parfois mes crânes me pousseraient vers l'âge de rock. Comme à la naissance du monde, un endroit où on n'est pas lâché nos bombes. Comme à la naissance du monde, d'où l'horizon semble un peu moins sombre. Comme à la naissance du monde, un endroit qui pour nos enfants ne soit pas une tombe. Comme à la naissance du monde. Yeah, yeah, car oui, hey. Il y a la terre, les montagnes et les océans. Il y a la faune, la flore, en gros tous les êtres vivants, hey. Tous libres en harmonie jusqu'à la fin des temps. Il y a Adam et Ève et tous leurs descendants. Parmi eux des bons, des brutes et même des truands. Alors pourquoi s'entêter bêtement avec l'argent, hey. Alors que Jah a pensé à tous ses enfants, et ce pour le gentil comme pour le méchant. Comme à la naissance du monde, un endroit où on n'est pas lâché nos bombes. Comme à la naissance du monde, tout l'horizon semble un peu moins sombre. Comme à la naissance du monde, un endroit qui pour nos enfants ne soit pas une tombe. Comme à la naissance du monde. Ouais. Nature, gros monnaie, vive le nucléaire et le pétrole. Nature souillée, planète gangrène des deux pôles. Pour trouver l'écho, papa, besoin d'Interpol. Trop de monnaie, ils rapportent, sont intouchables, ras-le-bol. Nos vibrations craquent, le béton font fondre le goudron. Rien que par respect pour les nouvelles générations. Arrêtons d'asphyxier, de dépasser le zaïon. À quoi ça sert de faire des enfants sur un futur qui ne sent pas bon? Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Comme à la naissance du monde, un endroit où on n'est pas lâché nos bombes, non. Comme à la naissance du monde, d'où l'horizon semble un peu moins sombre. Comme à la naissance du semble un peu moins sombre. Comme à la naissance du monde, un endroit qui pour nos enfants ne soit pas une tombe. Comme à la naissance du monde. Ça y est, oui. Aïe, mandé Véronica, si mon île est belle, elle te dira magnifica. Marie galante, nous descendons d'Afrique. Nous sommes des purs, on n'est pas venus pour joker. Aïe, Marie galante, moi je suis content quand j'y rentre. Je peux voir papy, mamie, les tontons et les tantes. Quand je vais là-bas, j'ai pas besoin d'une tente. Si je veux dormir, je trouve des lits par 30. Je rencontre les Pagnards et la familia. Je bois de l'eau de coco et je mange beaucoup d'igname. Poisson frais, fric ou bouillon. Miam, miam, miam, la nature est mon castor. Comme à la naissance du monde, un